Charles Mathurin, Melmotte ou l'homme errant, troisième partie. Chapitre 12. Le lendemain était le jour fixé pour la visite de l'évêque. Une inquiétude indéfinissable régnait dans les préparatifs de la communauté. Ce couvent était le premier de Madrid, et comme je vous l'ai dit, toute la capitale était dans l'agitation par la réunion des circonstances singulières qui s'offraient dans cette affaire. Le fils d'une des premières familles de l'Espagne s'était fait religieux au sortir de l'enfance. Peu de mois après, il avait protesté contre ses vœux. Il était accusé d'avoir fait un pacte avec l'esprit infernal. Les uns étaient curieux de voir un exorcisme, les autres désiraient ou craignaient le succès de mon appel. Celui-ci songeait que l'Inquisition s'emparerait probablement de l'affaire. Celui-là jugeait qu'un auto-da-fé pourrait en être le résultat possible. De mon côté, je n'étais pas sans espérance. Je ne connaissais nullement l'évêque et je ne concevais pas que sa visite pût m'être avantageuse. Mais je voyais que le couvent était inquiet, et cela seul suffisait pour m'offrir un présage favorable. Je me disais avec la finesse naturelle aux malheureux, il tremble, donc je dois me réjouir. Quand nos souffrances se sont mises ainsi dans la balance avec celles des autres, il est rare que la main soit bien ferme. Nous sommes toujours disposés à la faire pencher un peu de notre côté. L'évêque arriva de grand matin et passa quelques heures avec le supérieur dans son appartement. Pendant ce temps, il régnait dans la maison une tranquillité qui contrastait fortement avec l'agitation dont elle sortait. J'étais seul, debout dans ma cellule. Je dis debout car on ne m'avait pas laissé de siège. Je pensais en moi-même que cet événement ne me présageait rien de bon ni de mauvais. Je n'étais pas coupable de ce dont on m'accusait. Moi, le complice de Satan, moi, victime au contraire d'une erreur diabolique. Hélas, mon seul crime était une soumission involontaire aux supercheries que l'on avait mises en usage contre moi. Cet homme, me disais-je, cet évêque ne peut me donner la liberté, mais il peut me rendre justice. Cependant, le couvent était dans un accès de fièvre. Il y allait de la réputation de la maison. Ma situation était notoire. Ils avaient travaillé à me donner l'apparence et le renom d'un possédé. L'heure de l'épreuve approchait. Je ne vous dirai pas tous les moyens dont ils se servirent dans le cours de la matinée pour que je répondisse dignement à ce qu'ils avaient rapporté sur mon compte. Je craindrais que vous ne me crussiez capable de manquer à la vérité si je vous citais le quart des horreurs qu'ils me firent souffrir. Le résultat en fut que j'étais dans un état de souffrance impossible à décrire. Quand je reçus l'ordre de me présenter devant l'évêque, qui, entouré du supérieur et de la communauté, m'attendait à l'église. C'était là le moment qu'ils avaient fixé. Je me livrai à eux. Ils me lièrent les bras et les jambes avec des cordes, me portèrent en bas et me placèrent à la porte de l'église. Les quatre moines, dont j'ai souvent eu l'occasion de parler, se tinrent toujours à côté de moi. L'évêque était à l'autel, le supérieur auprès de lui. Les religieux remplissaient le chœur. On me jeta par terre comme un chien mort, et ceux qui m'avaient porté se retirèrent avec promptitude, comme s'ils s'étaient cru souillés par mon attouchement. Ce spectacle frappa l'évêque. Il me dit d'une voix forte, « Levez-vous, malheureux, et avancez. » Je répondis d'une voix qui parut le faire frissonner, « Dites-leur de me délier, et je vous obéirai. » L'évêque jeta un regard froid, mais plein d'indignation sur le supérieur, qui, sur-le-champ, s'approcha de lui et lui parla à l'oreille. Cette consultation à voix basse continua pendant quelque temps, et quoique couché par terre, je remarquai que l'évêque secouait la tête à tout ce que lui disait le supérieur. À la fin, l'ordre fut donné de me délier. Je n'y gagnais pas beaucoup, car les quatre moines restèrent à mes côtés. Ils me tinrent les bras en me faisant monter les marches de l'autel. Je vis alors pour la première fois l'évêque en face. C'était un homme dont la physionomie était aussi remarquable que le caractère. L'une faisait sur les sens la même impression que l'autre sur l'âme. Il était d'une taille élevée et majestueuse. Ses cheveux étaient blancs. Aucun sentiment ne l'agitait. Aucune passion n'avait laissé de traces sur ses traits. Ses yeux noirs, mais froids, se tournaient vers vous sans avoir l'air de vous voir. Quand sa voix parvenait à votre oreille, elle paraissait ne s'adresser qu'à votre âme. Du reste, sa réputation était sans tache, sa discipline exemplaire. Sa vie, celle d'un anachorète, pour mieux dire d'une statue. Tel était l'homme devant lequel je me trouvais. Quand il eut donné l'ordre de me délier, le supérieur parut fort ému. Mais cet ordre était positif, et je fus délivré de mes liens. J'étais placé, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, entre les quatre moines, et je sentais que mon apparence justifiait assez l'impression que l'évêque avait reçue à mon égard. J'étais déguenillé, affamé, pâle, et cependant enflammé par l'horrible traitement que je venais d'éprouver. J'espérais pourtant qu'en me soumettant à tout ce que l'on allait exiger de moi, je rétablirais ma réputation auprès de l'évêque. Celui-ci prononça avec une répugnance visible la formule de l'exorcisme, et chaque fois que revenaient les mots « diabolo te adjuro », les moines qui me tenaient me tordaient les bras et me faisaient crier de douleur, ce qui me donnait l'air d'avoir des convulsions. L'évêque en parut dans le premier moment troublé, et quand l'exorcisme fut terminé, il m'ordonna de m'approcher de l'autel. Je l'essayai, mais les quatre moines qui m'entouraient toujours firent en sorte que j'eus l'air de ne pouvoir y parvenir qu'avec beaucoup de peine. L'évêque dit « Éloignez-vous, laissez-le venir seul. » Ils furent forcés d'obéir. Je m'avançai en tremblant, je me mis à genoux. L'évêque, plaçant son étole sur ma tête, me demanda si je croyais en Dieu et dans la Sainte Église catholique. Au lieu de répondre, je jetai des cris aigus et je me précipitai de l'autel. L'évêque se leva pour se retirer, tandis que le supérieur et les autres s'approchèrent de moi. En les voyant venir, je rassemblai mon courage, et sans prononcer une seule parole, je montrai du doigt les morceaux de verre qui jonchaient les marches de l'autel et qui avaient percé mes sandales déjà déchirées. L'évêque ordonna sur le champ à un moine de les balayer avec la manche de sa tunique. Cet ordre fut exécuté, et le moment d'après, je reparus devant le prélat sans crainte ni douleur. Il continua ses questions. Pourquoi ne priez-vous pas dans l'église? Parce que les portes m'en sont fermées. Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? On m'a remis un mémoire contenant de grandes plaintes contre vous, et parmi les plus graves se trouve celle que vous ne priez point dans l'église. J'ai dit que les portes m'en étaient fermées. Hélas, il ne m'était pas plus possible de les ouvrir que d'ouvrir les cœurs des membres de la communauté. Tout est ici et fermé pour moi. L'évêque se retourna vers le supérieur qui répondit. Les portes de l'église sont toujours fermées aux ennemis de Dieu. Le prélat reprit avec la calme sérénité qui lui était ordinaire. Ma question est simple. Je ne veux pas rien de réponse évasive et détournée. Les portes de l'église ont-elles été fermées pour cet être malheureux? Lui avez-vous refusé le privilège de s'adresser à Dieu? Je l'ai fait parce que je pensais et croyais. Je ne vous demande point ce que vous pensiez et croyiez. Je vous fais une simple question sur un fait. Lui avez-vous ou ne lui avez-vous pas refusé accès à la maison de Dieu? J'avais raison de croire que... Je vous préviens que de telles réponses peuvent me forcer à vous faire changer en un instant de situation avec l'individu que vous accusez. Lui avez-vous ou ne lui avez-vous pas fermé les portes de l'église? Répondez oui ou non. Le supérieur, tremblant de colère et d'effroi, répondit « Je l'ai fait, mais j'en avais le droit ». C'est ce dont je ne me sens pas capable de juger. En attendant, paraît que vous vous avouez coupable du fait dont vous l'accusiez. Le supérieur resta muet. L'évêque, continuant à examiner un papier qu'il tenait, m'adressa la parole en ces termes. Comment se fait-il que les religieux ne peuvent dormir dans leurs cellules par le trouble que vous leur causez? Je n'en sais rien. C'est à eux de l'expliquer. Le malin esprit ne vous visite-t-il pas toutes les nuits? Vos blasphèmes, vos exécrables impuretés, ne retentissent-ils pas à l'oreille de tous ceux qui ont le malheur d'être placés près de vous? N'êtes-vous pas la terreur et le tourment de toute la communauté ? Je répondis : Je suis ce qu'ils m'ont fait. Je ne nie point les bruits extraordinaires que j'entends dans ma cellule, mais ils en savent mieux que moi la véritable cause. Je suis assailli dans mon lit par une voix qui me parle à l'oreille. Il paraît, du reste, qu'elle arrive jusqu'à celle des frères, car ils entrent dans ma cellule et profitent de la terreur où je suis plongé pour y donner les interprétations les plus incroyables. Mais n'entend-on pas des cris la nuit dans votre cellule ? Oui, des cris de terreur, des cris jetés non par un homme qui célèbre des orgies infernales, mais par un homme qui les craint. Cependant, vous prononcez des blasphèmes, des imprécations, des impuretés. Quelquefois, dans une terreur qu'il m'était impossible de vaincre, j'ai répété les sons qui avaient retenti à mon oreille, mais toujours d'un ton d'horreur et d'aversion, qui prouvait jusqu'à l'évidence que je ne les avais point imaginés et que je ne faisais que les redire après un autre. Je prends toute la communauté à témoin de ce que je dis. Les cris que je jetais, les expressions dont je me servais, étaient bien certainement des marques de ma haine pour les suggestions infernales qui m'avaient été faites. Demandez à toute la communauté si chaque fois que l'on est rentré dans la cellule, on ne m'a pas trouvé seul, tremblant et agité de convulsions. J'étais la victime de mon trouble, dont ils affectaient de se plaindre. Quoique je n'aie jamais pu découvrir ou deviner les moyens dont ils se servaient pour me persécuter, je ne crois pas me tromper en attribuant ces terreurs aux mêmes individus qui ont couvert les murs de ma cellule d'images de démons, dont les traces subsistent encore. On vous accuse aussi d'être entré dans l'église à minuit, d'avoir dégradé les tableaux et les statues, foulé aux pieds la croix, en un mot, d'avoir commis tous les actes d'un démon en violant le sanctuaire. À cette accusation si injuste et si cruelle, il ne me fut pas possible de retenir mon émotion, je m'écriai. J'ai couru à l'église dans un accès de frayeur dont leur machination m'avait rempli. Je m'y suis rendu à minuit parce que le jour, elle m'était fermée, ainsi que vous venez de l'apprendre. Je me suis prosterné devant la croix et je ne l'ai point foulée aux pieds. J'ai embrassé les statues des saints, et je ne les ai point violés. J'ose même dire que jamais prières plus sincères n'ont été offertes à Dieu dans ces murs que celles que j'ai prononcées cette nuit au milieu de ma solitude, de mes terreurs et de mes persécutions. Le lendemain matin, quand la communauté voulut entrer à l'église, ne l'en empêcha-t-vous pas par vos cris ? J'étais paralysé pour avoir passé toute la nuit sur le pavé où ils m'avaient jeté. Je voulus me lever et me retirer à leur approche. La douleur me fit jeter quelques cris, car j'avais autant plus de peine à marcher qu'aucun d'eux ne m'offrit le plus léger secours. En un mot, tout ce que l'on vous a dit sont des faussetés. Je suis allé à l'église pour implorer la miséricorde divine, et ils prétendent que mon action a été celle d'un cœur apostat. Si j'avais tenté de renverser la croix ou de dégrader les images, les marques de cette violence ne subsisteraient-elles pas ? Ne les aurait-on pas conservées avec soin pour servir de témoignage contre moi ? Cependant, y en a-t-il un vestige ? Non, il n'y en a pas, il ne peut y en avoir, car elle n'a jamais existé. L'évêque m'arrêta. Il eût été inutile de faire un appel à sa sensibilité. Celui pour lequel je m'étais décidé ne manqua pas son effet. Au bout de quelque temps, il me dit : Vous ne ferez donc pas de difficulté de rendre en présence de toute la communauté le même hommage aux images du Sauveur et des saints que vous dites avoir voulu leur rendre cette nuit. Je n'en ferai aucune. On m'apporta un crucifix que je baisai avec émotion et respect. Et je demandai, les larmes aux yeux, ma part dans les mérites infinis du sacrifice qu'il représentait. L'évêque me dit ensuite : Faites des actes de foi, d'espérance et de charité. J'obéis, et quoique je les fisse d'abondance, je remarquai que les dignes ecclésiastiques qui accompagnaient l'évêque se regardaient mutuellement avec compassion, intérêt et admiration. L'évêque me demanda où j'avais appris ces prières. Mon cœur, répondis-je, a été mon seul maître. Je n'en ai pas d'autre. On ne me donne pas de livres. Comment ? Songez bien à ce que vous dites. Je répète que je n'en ai point. Ils m'ont ôté mon bréviaire, mon crucifix. Ils ont dépouillé ma cellule de tous ses meubles. Je m'agenouille sur le carreau. Je prie par cœur. Si vous daignez visiter ma cellule, vous verrez que je vous ai dit la vérité. À ces mots, l'évêque lança un regard terrible sur le supérieur. Il se remit cependant bientôt, car n'étant nullement accoutumé aux émotions, il sentait qu'en s'y livrant, il changeait ses habitudes et portait en quelque sorte atteinte à sa dignité. Il me dit froidement de me retirer, et je lui obéissais déjà quand il me rappela. Pour la première fois, mon air parut l'avoir frappé. Absorbé dans la contemplation de ses devoirs, il fallait que les objets extérieurs lui fussent longtemps présentés avant de faire sur lui aucune impression. Il était venu pour examiner un prétendu démoniaque. Convaincu cependant qu'il y avait de l'injustice et de l'imposture dans le fait, il agit avec un courage, une résolution et une intégrité qui lui firent honneur. Mais pendant tout ce temps, l'horreur et la misère de mon aspect, qui auraient frappé sur le champ tout homme dont les sensations auraient été le moins du monde extérieur, ne firent aucune impression sur lui. Il ne s'en aperçut qu'en me voyant descendre lentement et péniblement les marches de l'hôtel. Mais aussi l'impression fut d'autant plus vive qu'elle avait été plus tardive. Il me rappela et me demanda, comme s'il me voyait pour la première fois, comment il se faisait que mon habit était si scandaleusement déchiré. J'aurais pu, si je l'avais voulu, dévoiler un mystère qui aurait ajouté à la confusion du supérieur, mais je me contentais de répondre. C'est la suite des mauvais traitements que j'ai éprouvés. Plusieurs autres questions de la même espèce au sujet de mon apparence suivirent, et je fus obligé de tout découvrir. L'évêque fut courroucé à un point incroyable des détails que je lui donnais. Quand les âmes sévères cèdent à une émotion quelconque, elles le font avec une véhémence inconcevable, car tout est pour elle un devoir, et même la passion, quand l'occasion s'en présente. Il est possible encore que la nouveauté de l'émotion soit pour elle une surprise agréable. Quant au bon évêque, dont la pureté égalait la sévérité, il se sentit plein d'horreur, de chagrin et d'indignation aux détails que je fus forcé de donner. Le supérieur tremblait, et la communauté n'osait pas me contredire. Le prélat reprit sa froideur, car la rigueur était pour lui une habitude et la sensibilité un effort. Il m'ordonna de nouveau de me retirer. J'obéis et je me rendis à ma cellule. Les murs étaient nus, comme je les ai décrits, mais même à côté de la splendeur de la scène dont je venais d'être témoin à l'église, ils me parurent tout brillants de mon triomphe. Une illusion éclatante éblouit pour un moment mes yeux, et puis tout s'apaisa. Dans ma solitude, je m'agenouillais, et je priais le Tout-Puissant de toucher le cœur de l'évêque et de le rendre sensible à la modération et à la sensibilité avec laquelle j'avais parlé. Je priais encore quand j'entendis marcher dans le corridor. Le bruit cessa pour un instant et je me tus. Je pensais que l'on venait de m'entendre et que sans doute le peu de mots que j'avais dit avait fait une vive impression. Au bout de quelques moments, l'évêque entra dans ma cellule, avec quelques ecclésiastiques de la suite, et accompagné du supérieur. Les premiers s'arrêtèrent tous frappés d'horreur à l'aspect de ma demeure. Je vous ai dit, monsieur, qu'elle ne consistait plus que dans les quatre murs dépouillés et un lit. C'était un spectacle scandaleux et avilissant. J'étais à genoux, au milieu de la chambre, et je prends Dieu à témoin que je n'avais aucune intention de faire de l'effet. L'évêque commença par jeter un coup d'œil autour de lui, tandis que les ecclésiastiques qui l'accompagnaient marquaient leur horreur par des regards et des gestes qui n'exigeaient aucune interprétation. Après un silence, l'évêque dit en se tournant vers le supérieur « Eh bien, que dites-vous de ceci ?» Le supérieur hésita et répondit à la fin « Je l'ignorais. »« C'est faux, » reprit l'évêque. « Et quand cela serait vrai, vous n'en seriez que plus coupable. Votre devoir vous ordonne de visiter les cellules tous les jours. Comment pourriez-vous, sans l'avoir négligé, ignorer l'état honteux où se trouve celle-ci ? » Il fit plusieurs fois le tour de la cellule, suivi des ecclésiastiques qui haussaient les épaules et se jetaient les uns aux autres des regards de mécontentement. Le supérieur était pétrifié. Il entendit l'évêque dire en sortant « Tout ceci doit être réparé avant que je quitte la maison. » Et s'adressant particulièrement au supérieur, il ajouta Vous êtes indigne de la place que vous occupez. Vous devriez être déposé. » Puis, élevant la voix et prenant un ton plus sévère, il dit « Catholique, religieux, chrétien, c'est affreux, c'est horrible. Tremblez pour les suites de ma prochaine visite, si les mêmes désordres subsistent encore. Je vous promets que je la répéterai sous peu. » Il revint ensuite à ma cellule, et s'arrêtant à la porte, il dit au supérieur « Prenez soin que tous les abus commis dans cette cellule soient réparés avant demain matin. » Le supérieur marqua par son silence sa soumission à cet ordre. Je me couchai cette nuit sur mon matelas, entre mes quatre murs dépouillés. La fatigue et l'épuisement me firent dormir d'un profond sommeil. Je me réveillai longtemps après l'heure des matines, et je me trouvai entouré de tous les agréments qu'une cellule puisse offrir. Le crucifix, le bréviaire, le pupitre, la table, tout avait été replacé pendant mon sommeil, comme par enchantement. Je sautai à bas de mon lit et je regardai autour de moi avec extase. L'heure de la réfection approchait. Ma joie se calmait et je sentais renaître mes terreurs. Il est difficile de passer d'un état d'humiliation extrême à la première position dans la société dont on est membre. Je descendis quand j'entendis sonner la cloche. Je m'arrêtai un moment à la porte, puis, avec une impulsion désespérée, j'entrai et je pris ma place habituelle. Personne ne s'y opposa. On ne dit rien. Après le dîner, la communauté se sépara. J'attendais la cloche des vêpres. Je disais que ce serait le moment décisif. Elle sonna à la fin. Les religieuses s'assemblèrent. Je me joignis à eux sans opposition. Je pris ma place au cœur. Mon triomphe était complet et j'en tremblais. Hélas ! Quel est le moment de succès où nous n'éprouvions pas un sentiment d'inquiétude ? Notre destinée est pour nous comme cet esclave qui, tous les matins, devait rappeler au monarque de l'Antiquité qu'il n'était qu'un homme, et il est rare qu'elle ne prenne pas soin de remplir sa propre prédiction dans le cours de la journée. Deux jours se passèrent. La tempête qui nous avait agités pendant si longtemps s'était changée en un calme profond. Je me retrouvai dans l'état où j'avais été auparavant. Je remplis de nouveau mes devoirs accoutumés sans que personne m'en fît ou des compliments ou des reproches. On paraissait me considérer comme un homme qui recommençait la vie monastique. Ces deux jours furent pour moi d'une tranquillité parfaite, et je prends Dieu à témoin que je jouis de mon triomphe avec modération. Je n'ai parlé point de la position d'où je sortais. Je ne fis point de reproches à ceux qui l'avaient causée. Je ne dis pas un mot de la visite de l'évêque, qui, en peu d'heures, avait fait changer de place au couvent entier à moi, et qui m'avait mis en état d'opprimer à mon tour mes oppresseurs si je l'avais voulu. Je supportais mon succès sans vanité, car j'étais soutenu par l'espoir de la liberté. Le triomphe du supérieur ne devait pas tarder à se renouveler. Le troisième jour, dans la matinée, je fus appelé au parloir. Un messager me remit un paquet contenant, à ce que j'appris, le résultat de ma réclamation. D'après la règle du couvent, j'étais obligé de le remettre d'abord dans les mains du supérieur qui devait en prendre communication, avant qu'il me fût permis de le lire. Je pris le paquet et je me rendis à pas lents à son appartement. En le tenant dans ma main, je l'examinais, je le pesais. Je le retournais en tous sens, afin, s'il était possible, d'en deviner le contenu par la forme. Une pensée désolante se présenta à mon esprit. Je me dis que si la nouvelle qu'il contenait avait été favorable, le messager me l'aurait remis d'un air de triomphe, afin que je pusse, en dépit de l'étiquette du couvent, rompre le cachet qui renfermait l'arrêt de ma délivrance. Il arrive souvent que nos présages soient inspirés par notre destinée, et la mienne étant celle d'un moine, il ne faut pas s'étonner s'ils étaient noirs et s'ils se vérifiaient. J'approchai de la cellule du supérieur avec mon paquet. Je frappai. On me dit d'entrer. Mes yeux étaient baissés, et je ne distinguais que les ourlets du bas des robes des moines, qui étaient réunis dans l'appartement. J'offris respectueusement ce que je tenais. Le supérieur y jeta nonchalamment un regard, et puis le lança par terre. Un des religieux voulut le relever. Arrêtez, dit le supérieur, c'est à lui, à le ramasser. Je fis ainsi qu'il l'avait dit, et je retournai dans ma cellule, après avoir fait une profonde révérence au père supérieur. Je m'assis, tenant en main le fatal paquet. J'allais l'ouvrir quand une voix intérieure sembla me dire « C'est inutile, tu dois déjà en savoir le contenu. » Je ne le lus en effet qu'au bout de quelques heures. Il m'apprenait que mon appel avait échoué. Je voyais, d'après les détails que l'on me donnait, que l'avocat avait mis en usage tout son talent, tout son zèle, toute son éloquence. Un moment, la cour avait été sur le point de décider en faveur de ma réclamation, mais on craignit qu'un pareil arrêt ne fût d'un exemple dangereux. L'avocat de mes adversaires observa que si ma prétention était admise, tous les religieux de l'Espagne réclameraient contre leurs vœux. N'est-ce pas là une nouvelle preuve de la justice de ma cause? L'émotion que l'infortuné Monchada éprouva dans cet endroit de son récit le força de le suspendre encore, et ce ne fut qu'au bout de quelques jours qu'il le reprit en ces termes. Chapitre 13. Il me serait impossible de vous peindre l'état où le rejet de mon appel jeta mon esprit, car je n'en conserverai aucun souvenir distinct. Toutes les couleurs disparaissent la nuit. Pour le désespoir, il n'y a point de jour. La monotonie est son essence et sa malédiction. Je me promenais dans le jardin pendant des heures entières, sans en rapporter d'autres impressions que celles qu'avait faites sur mon oreille le bruit de mes pas. La pensée, le sentiment, la passion, et ce qui les met en œuvre, la vie et l'avenir, tout était pour moi éteint et englouti. Je restais le plus longtemps qu'il m'était possible au jardin, une sorte d'instinct remplaçant le choix que je n'avais plus l'énergie de faire, me dirigeait de ce côté, afin d'éviter la présence des religieux. Un soir, j'y aperçus du changement. La fontaine avait besoin de réparation. La source, qui lui fournissait de l'eau, était située hors des murs du couvent, et les ouvriers, en poursuivant leurs travaux, avaient trouvé nécessaire de creuser un passage sous le mur du jardin, qui communiquait avec un endroit ouvert dans la ville. Ce passage était bien gardé le jour, pendant que les ouvriers étaient à l'ouvrage, et la nuit il était fermé par une porte construite exprès, et à laquelle on avait mis des chaînes, des barreaux et des verrous. On la laissait pourtant ouverte le jour, et cette image attrayante de la liberté au milieu de l'affreuse certitude d'un emprisonnement éternel a ajouté un nouvel aiguillon à ma douleur qui commençait à s'user. J'entrai dans le passage, et j'approchai le plus qu'il me fut possible de la porte qui me séparait de la vie. Je m'assis sur une des pierres éparses, et j'appuyai ma tête sur mes mains. Je ne sais combien de temps je restai dans cette position. Tout à coup, je fus frappé d'un léger bruit, et j'aperçus un papier que quelqu'un faisait passer sous la porte. Dans un endroit où une légère inégalité dans le terrain rendait la tentative praticable, je me baissai pour le saisir. On le retira. Mais l'instant d'après, une voix, dont mon émotion ne me permit pas de distinguer le son, dit tout bas « Alonso !»« Oui, oui, » répondis-je vivement. On me mit sur le champ le papier dans la main, et j'entendis l'inconnu qui se retirait avec promptitude. Je ne perdis pas un moment pour lire le peu de mots que contenait le billet. Soyez ici demain soir à pareille heure. J'ai beaucoup souffert à cause de vous. Détruisez ceci. Ce billet était de l'écriture de mon frère Juan, de cette écriture que je connaissais si bien depuis notre dernière correspondance, de cette écriture dont je n'ai jamais contemplé les traits sans sentir renaître l'espérance dans mon sein. Je m'étonne que pendant ces 24 heures, mon émotion ne m'est pas trahie aux yeux du couvent, mais peut-être n'est-ce que l'émotion occasionnée par des causes frivoles qui se montrent à l'extérieur. J'étais absorbé dans la mienne. Il est du moins certain que pendant toute cette journée mon âme ne cessait de se mouvoir comme le balancier d'une pendule, qui répéterait alternativement ces mots. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Le jour, ce jour éternel, se termina à la fin. La soirée arriva. Oh, comme j'épiais son ombre croissante! Pendant les prières des vêpres, avec quelle joie, je considérais les teintes d'or et de pourpre qui brillaient au travers des carreaux de la grande fenêtre de l'église. Il était impossible de voir une soirée plus propice. Elle était calme et obscure. Le jardin était désert, on n'y voyait pas une figure humaine. Aucun pied ne retentissait dans les allées solitaires. Je hâtai ma marche. Tout à coup, je crus entendre le bruit d'une personne qui me suivait. Je m'arrêtai. Ce n'étaient que les palpitations de mon propre cœur que je distinguais dans le profond silence de ce moment fatal. Je posai la main sur ma poitrine, comme une mère qui cherche à pacifier son enfant. Cela ne l'empêcha pourtant pas de s'agiter. J'entrai dans le passage. J'approchai de la porte. J'entendais toujours résonner dans mon oreille ces mots. « Soyez ici demain à pareille heure. » Je me baissai et j'aperçus d'un œil qui semblait dévorer ce qu'il voyait. J'aperçus, dis-je, un morceau de papier sous la porte. Je le saisis et le cachai sous ma robe. Je tremblais à tel point de joie que je ne savais comment faire pour l'emporter dans ma cellule sans que l'on me devinât. J'ai réussi cependant, et quand je lus cet écrit, son contenu justifia bien mon émotion. Une grande partie en était cependant illisible, parce qu'il avait été jeté entre les pierres et sur une terre humide. Sur la première page, je pus distinguer seulement que mon frère avait été retenu à la campagne, pour ainsi dire en prison, et cela par l'influence du directeur. Un jour, se trouvant à la chasse avec un seul domestique, le désir de la liberté fit naître tout à coup en son esprit l'idée d'effrayer cet homme pour en obtenir ce qu'il désirait. En conséquence, il lui présenta le canon de son fusil et le menaça de lui brûler la cervelle s'il faisait la moindre résistance. Le domestique se laissa donc attacher à un arbre. La page suivante, quoique très effacée, m'apprit que mon frère était arrivé heureusement à Madrid, où il avait reçu la première nouvelle du mauvais succès de mon appel. L'effet de cette nouvelle sur le tendre, l'ardent, l'impétueux Juan se concevait facilement au style interrompu et irrégulier dans lequel il s'efforçait de le décrire. Il disait ensuite « Je suis présentement à Madrid, fermement résolu de n'en pas sortir, que je ne vous ai délivré. Cela n'est pas impossible, pourvu que vous ayez du courage. » Il n'y a point de porte, pas même celle d'un couvent qui soit inaccessible à une clé d'or. Mon premier but, celui d'obtenir le moyen de communiquer avec vous, paraissait d'abord aussi impraticable que votre fuite, et cependant j'y suis parvenu. J'ai appris que l'on faisait des réparations dans le jardin, et je me suis posté tous les jours devant la porte, dans l'espoir de vous rencontrer, en vous nommant souvent à voix basse. Ce ne fut que le sixième jour que vous y vîtes. » Dans une autre partie de sa lettre, il décrivait plus amplement son projet. « De l'argent et du mystère, tels sont les premiers points auxquels nous devons nous attacher. Je ne crains point d'être dénoncé grâce au déguisement que je porte. Je me procurerai moins facilement de l'argent, ma fuite a été si soudaine, que je n'ai pas songé à m'en pourvoir avant de partir de la campagne. Aussi ai-je déjà été obligé de vendre ma montre et mes bagues pour me procurer de quoi vivre et pour acheter des costumes. Je trouverai les plus fortes sommes en me nommant, mais cela pourrait offrir du danger. Le bruit de mon séjour à Madrid parviendra infailliblement aux oreilles de mon père. Il faudra que je m'adresse à un juif. Une fois que j'aurai de l'argent, je suis presque sûr de vous délivrer. J'ai déjà entendu parler d'un homme qui se trouve dans votre couvent, où il est caché pour des motifs fort extraordinaires. Il serait probablement facile de l'engager à... » Les passages de la lettre qui suivaient paraissaient avoir été écrits à de longs intervalles. Les premiers mots que je pus lire montraient quelle était la gaieté naturelle de cet être, le plus ardent, le plus léger et le plus généreux qui eût jamais été créé. N'ayez aucune inquiétude pour ceux qui me regardent. Il est impossible qu'on me devine. J'ai toujours été connu pour le talent remarquable que je possède pour l'imitation, et ce talent m'est présentement de la plus grande utilité. Quelquefois je parcours les rues sous le costume d'un maraud avec d'énormes moustaches. D'autres fois je prends l'accent d'un biscaïen, et comme l'époux de Doña Rodriguez, je me dis aussi bon gentilhomme que le roi, parce que je viens des montagnes. Mais les déguisements qui me plaisent le plus sont ceux d'un mendiant ou d'un bohémien. Le premier me procure un accès dans les couvents, l'autre de l'argent et des nouvelles. Quand les courses et les stratagèmes de la journée sont passés, vous souririez en voyant le grenier et le grabat où l'héritier des Manchadas se retire pour prendre du repos. Le sentiment de notre supériorité est quelquefois plus délicieux quand il est renfermé dans notre propre sein que quand tout le monde en est témoin. D'ailleurs, il me semble que le mauvais lit, le siège mal affermi, les poutres couvertes de toiles d'araignée, d'huile rance et tous les autres agréments de ma nouvelle demeure sont une espèce d'expiation de tous les torts que j'ai eus envers vous, Alonzo. Je m'attriste parfois au milieu de ces privations auxquelles je ne suis pas accoutumé, et cependant je suis soutenu par une sorte d'énergie sauvage et pleine de gaieté qui fait le fond de mon caractère. Ma position me fait frémir la nuit quand je rentre chez moi et quand je place pour la première fois de ma propre main la lampe sur le misérable foyer. Mais le matin je ris quand je me revêts de bizarres haillons, quand je décolore mon visage et quand j'accentue mon langage au point que les habitants de la maison qui me rencontrent sur l'escalier ne reconnaissent pas leur commensal de la veille. Je change tous les jours de demeure et de costume. Ne craignez rien pour moi, mais venez tous les soirs à la porte du passage, car tous les soirs, j'aurai pour vous des nouvelles fraîches. Mon industrie est infatigable, mon zèle ne se tarira pas. Mon cœur et mon âme sont tout de feu pour votre cause. Je déclare de nouveau que je ne quitterai pas ces lieux avant que vous soyez libre. Alonzo, comptez sur moi. Je vous épargnerai, monsieur, le détail de ce que j'éprouvais à la lecture de cette lettre. Ô mon Dieu, pardonnez-moi l'humilité avec laquelle je baisais ces caractères. J'aurais pu adorer la main qui les avait tracés. Je voyais un être si jeune, si généreux, si dévoué, sacrifier tous les agréments que le rang, la jeunesse et le plaisir peuvent offrir, en endossant les déguisements les plus vils, supportant les privations les plus déplorables, surtout pour un enfant fier et voluptueux comme lui, cachant ses souffrances sous une gaieté affectée et sous une magnanimité réelle, et faisant tout cela pour moi. Oh mon Dieu, quels furent mes sentiments! Le lendemain au soir, je retournais à la porte, mais je ne vis pas de papier. J'attendis jusqu'à ce que l'obscurité fût si profonde que je ne l'eusse pu distinguer quand même. Il y en aurait eu. Le jour suivant, je fus plus heureux. La même voix déguisée me dit tout bas « Alonzo » et me sembla plus douce qu'aucune musique que j'eusse jamais entendue. Ce nouveau billet n'était que de quelques lignes. Aussi je n'eusse pas de peine à l'avaler aussitôt que je l'eus parcouru. Voici ce que j'y lus. J'ai trouvé à la fin un juif qui consent à m'avancer une somme considérable. Il prétend qu'il ne me connaît pas, mais je suis convaincu que mon nom ne lui est pas étranger. Du reste, il ne me trahira pas, car l'intérêt usuraire qu'il me fait payer et ses pratiques illégales m'assurent de sa discrétion. Sous peu de jours, je posséderai les moyens de vous délivrer, et j'ai été assez heureux pour découvrir comment ces moyens devront être employés. Le billet ne contenait que cela. Pendant 4 jours consécutifs, les travaux des ouvriers excitèrent une si vive curiosité dans le couvent, où il était facile d'en faire naître, que je n'osais rester dans le passage de peur de causer des soupçons. Pendant tout ce temps, je souffris non seulement l'inquiétude d'une espérance suspendue, mais encore la crainte que le moyen de communication entre mon frère et moi ne fût entièrement rompu, car je savais que les ouvriers n'avaient plus que peu de jours à travailler. Je donnais cet avis à mon frère par la même voie que je recevais les siens. Puis je me reprochais de l'avoir pressé. Je réfléchis à la difficulté qu'il devait éprouver à rester caché, à faire des affaires avec des juifs, à gagner les domestiques du couvent. Je songeais à tout ce qu'il avait entrepris et à tout ce qu'il avait souffert. Je craignis ensuite que toutes ces démarches ne fussent inutiles. Je ne voudrais pas recommencer ces 4 journées pour le plus beau trône de la terre. Le soir du 5e jour, je trouvai sous la porte un billet contenant ce qui suit. Tout est arrangé. Je me suis assuré du juif à des conditions bien dignes de lui. Il affecte d'ignorer mon véritable rang et les biens immenses que je dois posséder un jour. Mais il en est fort bien instruit et n'ose pas me trahir pour sa propre sûreté. Il sait qu'il suffirait d'un mot de moi pour le livrer à l'Inquisition. Il y a du reste dans votre couvent un misérable sur le compte duquel j'ai entendu raconter les bruits les plus épouvantables. Il a, dit-on, coupé le cou à son père pendant qu'il soupait, afin de se procurer une légère somme d'argent pour payer une dette contractée au jeu. C'est un Portugais. Après avoir fui la justice humaine dans sa patrie, il a voulu échapper aussi à celle de Dieu. En conséquence, il a feint le repentir le plus complet. Il est entré dans votre couvent, où il est présentement frère laid. Mais je sais de bonne part que son repentir n'est qu'un manteau, dont il couvre le cœur le plus pervers. Il a espéré qu'il empêcherait par là que le gouvernement espagnol ne le livrât aux tribunaux de son pays. C'est sur les crimes de ce misérable que je fonde toutes mes espérances. Il n'hésitera point si l'on peut parvenir à le tenter. Il entreprendra de vous délivrer pour de l'argent. Comme pour de l'argent, il entreprendrait de vous étrangler dans votre cellule. Il envie à Judas les 30 pièces d'argent pour lesquelles le sauveur du monde fut vendu. Il vendrait son âme pour la moitié de ce prix. C'est là l'instrument avec lequel il faudra que je travaille. Il est horrible, mais nécessaire. J'ai lu que des plantes et des reptiles les plus venimeux ont retiré les remèdes les plus efficaces. Je ferai de même. J'exprimerai le jus et j'écraserai la plante sous mes pieds. Alonso, ne tremblez point à ces mots. Ne souffrez point que vos habitudes prennent le dessus sur votre caractère. Confiez votre délivrance à moi et aux instruments avec lesquels je suis forcé de travailler. Et ne doutez point que la main qui trace ces lignes ne sert bientôt celle d'un frère heureux et libre. Je lus et relus plusieurs fois dans ma solitude ces lignes. Et plus je les relisais, plus je sentais s'élever dans mon âme des doutes et des inquiétudes. Ma confiance diminuait à mesure et dans la même proportion que celle de mon frère semblait augmenter. Il y avait un contraste effrayant entre sa position indépendante et libre de toute crainte et la solitude, la timidité et le danger de la mienne. Quoique je ne cessasse de brûler du désir et de l'espoir de me sauver par son courage et son adresse, je craignais cependant de confier mon sort à un jeune homme si impétueux. Un jeune homme qui avait quitté en secret la maison paternelle, qui vivait à Madrid, de ruse et d'imposture, et qui avait engagé dans son entreprise un misérable, l'opprobre de la nature. Sur quel fondement reposait donc l'espoir de ma délivrance? D'un côté sur la tendre énergie d'un être étourdi, entreprenant et sans soutien, et de l'autre sur la coopération d'un démon, qui commencerait peut-être par s'emparer de la récompense promise, et qui mettrait ensuite en nous trahissant le sceau à notre malheur mutuel et irréparable. Livré à ces réflexions et souffrant des doutes les plus horribles, je délibérais, je priais, je versais d'abondantes larmes. J'écrivis enfin quelques mots à Juan pour lui faire connaître avec franchise mes doutes et mes craintes. J'exprimais d'abord les difficultés qui me paraissaient devoir s'opposer à ma fuite. Je disais, peut-on croire qu'un homme que tout Madrid, que toute l'Espagne poursuivra, pourra réellement parvenir à s'échapper? La fuite d'un religieux est une chose par elle-même déjà presque impossible. Et comment pourrait-il ensuite rester caché? Les cloches de tous les couvents de l'Espagne sonneraient d'elles-mêmes pour donner l'alarme sur sa désertion. Les pouvoirs civils, militaires et ecclésiastiques seraient tous sur le qui-vive. Chassé, poursuivi, au désespoir, j'errerais de ville en ville sans trouver nulle part de retraite. Il me faudrait braver le courroux de l'Église, la vengeance des lois, la haine de la société, les soupçons du peuple, au milieu duquel je serais obligé de me glisser, en évitant et en maudissant sa pénétration. Songez à tout cela, et à la croix enflammée de l'Inquisition brillant dans le lointain pour couronner le reste. Ô Juan, que ne pouvez-vous savoir les terreurs dans lesquelles j'ai vécu, dans lesquelles j'aimerais mieux mourir que de les éprouver de nouveau, dû ma délivrance en être la suite. Je continuai longtemps sur le même ton. Je répétais l'observation du peu de chance qu'il y avait qu'un religieux espagnol pût quitter son couvent, et je terminai par demander à mon frère, quand même tout réussirait au gré de nos désirs, quand je parviendrais à sortir de ma prison, quand l'Inquisition ne me découvrirait pas ou fermerait les yeux sur ma fuite, ce que je deviendrais, et comment je gagnerais ma vie. Je n'étais bon à rien, je ne connaissais aucune profession. Aussitôt que j'eusse achevé cette lettre, une impulsion dont il m'est impossible de rendre compte fit que je la déchirai en 1000 morceaux et les brûlai soigneusement l'un après l'autre à ma lampe. Je retournai ensuite veiller à la porte du passage, qui était pour moi la porte de l'espérance. En passant dans le corridor, je rencontrai un homme d'un aspect repoussant. Je me rangeai contre le mur, car j'avais pris pour règle de conduite de n'avoir avec les frères d'autres communications que celles que la discipline exigeait. Néanmoins, en passant devant moi, il toucha ma robe et me lança un regard significatif. Je compris sur le champ que c'était là la personne dont Juan m'avait parlé dans sa lettre. Quelques instants après, étant descendu au jardin, je trouvai un billet qui confirma mes conjectures. Il contenait ces mots. Je me suis procuré l'argent. Je me suis assuré de notre agent. C'est un démon incarné, mais son courage et son intrépidité ne peuvent être révoqués en doute. Promenez-vous dans le cloître demain matin. Quelqu'un touchera votre robe. Saisissez son poignet gauche. Ce sera le signal. S'il hésite, dites-lui à l'oreille « Juan ». Il répondra « Alonso ». C'est là votre homme. Suivez ses conseils. Il vous fera connaître toutes les démarches que j'ai faites. À la lecture de ce billet, il me semblait être devenu une machine montée pour remplir certaines fonctions auxquelles sa coopération est inévitable. L'active vigueur des mouvements de Juan me donnait malgré moi l'impulsion, et n'ayant pas le temps de délibérer, je n'avais par conséquent pas celui de faire un choix. Quand une volonté étrangère et puissante agit de cette manière sur nous, quand un autre entreprend de presser, de sentir et d'agir pour nous, c'est avec plaisir que nous lui abandonnons notre responsabilité physique et même morale. Nous disons avec la lâcheté de l'égoïsme, « Soit, vous avez décidé pour moi, sans réfléchir que le tribunal de Dieu n'admet point de caution. Je me promènerai dès le lendemain soir dans le cloître. J'arrangerai mes vêtements, je composerai mes regards. On m'aurait cru plongé dans la plus grande profonde méditation. Je l'étais, en effet, mais je ne songeais pas au sujet dont on me croyait occupé. Tandis que je marchais, quelqu'un toucha ma robe. Je tressaillis, et à ma grande consternation, je vis un des frères qui me demanda pardon de ce que la manche de sa tunique avait touché la sienne. 2 minutes après, un autre religieux me toucha. Je sentis la différence. Il y avait une force intelligente et communicative dans ce mouvement. Ce dernier saisit ma robe comme quelqu'un qui ne craint point d'être connu et qui n'a pas d'excuses à faire. Comment se fait-il que dans la vie le crime nous saisisse d'une main ferme et sans crainte, tandis que la conscience la plus pure tremble en glissant sur le bord de notre habit? Je serrai son poignet d'une main mal assurée et lui dirai l'oreille « Juan ». Il répondit « Alonso ». et ne s'arrêta pas un moment. Il me resta pour lors quelques instants pour réfléchir à la singularité de ma destinée, qui se trouvait confiée à la fois à deux êtres dont l'un était l'horreur du genre humain et l'autre sa honte. J'éprouvais une antipathie incroyable pour toute communication avec un monstre qui avait essayé de laver son parricide dans une dévotion simulée. Je ne craignais pas moins les passions de Juan et sa précipitation. Enfin, je fus convaincu que j'étais soumis à une puissance qui m'inspirait un invincible effroi et qu'il fallait, pour me délivrer, obéir à tout ce que cette puissance exigerait de moi. La soirée d'après, je commençai ma promenade. Je n'oserais affirmer que mon pas fût aussi ferme, mais je puis attester qu'il avait une régularité artificielle bien plus parfaite que la veille. La même personne toucha de nouveau ma robe et nomma à voix basse « Juan ». Après cela, je ne pouvais plus hésiter. Je dis en passant « Je suis en votre pouvoir ». Une voix rauque me répondit « Non ». Je suis dans le vôtre. Je murmurai, soit, je vous entends, nous vous appartenons. Oui, nous ne pouvons parler ici, mais une occasion favorable s'offre à nous. Demain est la veille de la Pentecôte. Les membres de la communauté vont deux à deux à l'hôtel passer une heure en prière, et cette cérémonie continue toute la nuit. L'aversion que vous avez inspirée à tous les frères est si vive qu'ils ont unanimement refusé de faire la prière avec vous. Vous serez donc seul. Votre heure est de deux à trois. Je viendrai vous trouver. Nous pourrons causer sans qu'on nous interrompe ou qu'on nous soupçonne. » À ces mots, il me quitta. Tout se passa comme il me l'avait prédit. Les moines se rendirent deux à deux à la prière. Quand mon tour fut venu, on me réveilla, et je descendis seul à l'église.